Mec, j'fais des meutes, voudrais qu'on m'arrête. Saint Jean la Pointe, on veut être connu comme la dranguette. Ça coupe des barrettes, vers bâtiment ça guette. Ça raté à rater que sur sa poil, ça se me guette. Et oui, faut qu'on m'aide, vous croyez que j'rigole. Et devant ma tête, ça sort le TDM me vole. Tu finis seul sur le jack miel. J'ai des verres avec une niche, même plus comment elle s'appelle. J'aurai toujours quelque chose à dire. Marseille, c'est chaud, ça braque, ça tire. J'profite, sauf demain, je meurs, petit, on ne sait pas. Et que le monde sait qu'il le fallait, si on ne sait pas. J'dors avec mon shit et mon Beretta. J'vous le dis, j'suis toujours anti-état. J'dors avec mon shit et mon Beretta. J'vous le dis, j'suis toujours anti-état. En fumette, fumette, fumette. Parle mal, c'est vinaigre, vinaigre, vinaigre. J'suis dans ma folie, j'te donne RDV. Mais j'brosse ta copine, oui j'brosse ta copine. Oui, tout le désolé, à fond dans le bolide. Pour mes alcooliques, pour mes alcooliques. Mais tout en code, non mais sans déconner. J'aurai toujours quelque chose à dire. Marseille c'est chaud, ça braque, ça tire. J'profite, sauf demain je meurs, petit on ne sait pas. Ni que le monde sait qu'il le fallait si on ne sait pas. J'dors avec mon shit et mon Beretta. J'vous le dis, j'suis toujours anti-état. J'dors avec mon shit et mon Beretta. J'vous le dis, j'suis toujours anti-état. J'dors avec mon shit et mon Beretta. J'vous le dis, j'suis toujours anti-état. J'dors avec mon shit et mon Beretta. J'vous le dis, j'suis toujours anti-état. Ma folie, j'te donne RDB. Mais j'brosse ta copine, oui j'brosse ta copine. Oui tu t'es solide, à fond dans le